Maintenir la bonne humeur et le rire, exprimer calme et mes pulsions, extérioriser ma tendresse plus qu'une addition, ma passion qui guide toutes mes compositions. J'ai sans froid écrit pour elle, elle qui pour sûr plus de mille fois me l'a rendu. Elle me rassure, m'en sorcelle, j'ai grand désespoir et j'ai foi après tout ce qu'on a vécu. Elle n'est sûrement pas pucelle, n'est pas mienne, tant d'autres avant moi l'ont connue. Mais nos flirteuses occasionnelles et nos orgasmes exceptionnels ont rien d'une histoire de cul. Je l'aime, si j'en crois bien des dires, elle me sourit, elle m'aime. Même si je peux voir son sourire, il me séduit quand même. Je bois sa sève d'inspiration, quelle que soit l'ambiance et le thème, pour une meilleure transmission, un état d'esprit que je sème. Qui s'amuse du corps à la voix, j'entends, je transmets son désir et crée un peu de joie, il me semble. C'est mon plus grand plaisir, faire oublier le reste des fois. Je n'y arrive que quand on est ensemble. La la la la la la la la la la la la la la la. Elle n'est pas mienne, tant d'autres avant moi l'ont connue. Mais nos fleurs de cannelle et nos orgasmes exceptionnels n'ont rien d'une histoire de cul. Mon plus grand moment d'excitation, l'exhibition de nos contacts en public. Et mes plus belles démonstrations, celles qui pour un peu me donneraient la trique. Je sens monter votre curiosité et attention à cet être qui pour moi est magique. Surtout ne vous inquiétez pas, car je parle bien sûr de la musique.